plage de l'amour. Toi et moi, désormais, ce sera jamais, jamais de l'imparfait. Que je sois grande. Et moi, dans mon enfance, je jouais l'insouciance. Tu voulais que je sois tendre. Et moi et ma tourmente, on rêvait de violence. Si je suis pas encore très forte, et j'ai besoin que quelquefois tu me portes. Tu sais, je suis pas encore très grande, et encore plein de trucs que j'ai besoin. Je repars.